À l'occasion de la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung, la société à responsabilité limitée du groupe Haidanko a abrité une science de film coréen, le Palais des sciences et techniques.